15-33, activation orale et écrite. Forme verbale, consonne supplémentaire aux personnes du pluriel. Écoutez, répondez et complétez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. 1. Vous savez où est la place Saint-Michel? Vous dites? Mais oui, bien sûr que je sais où est la place Saint-Michel. Vous ne savez pas où c'est? Et vous écrivez? C'est, savez. 2. Vous ne connaissez pas Mireille Bello? Moi, je sors de la fac à 4 heures. Vous partez?